téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. La division d'Emmanuel Suarez. Réalisation Sophie Haute-Picon. Premier épisode. Bertrand, écoutez-moi. Vous allez poser ce fusil. Vous allez le poser sur la table et je pourrai tout vous expliquer. Vous allez rien m'expliquer, la fouille merde. Vous m'avez trompé. Vous vous êtes servi de l'ordre pour m'entourlouper. Bertrand. Nous avons de bonnes raisons de penser que cet homme est ici pour vous tuer. Faites-nous confiance. Je vous garantis une protection complète de la part de nos services. Oh, le consul, maintenant. Consul ? Vous êtes consul ? Mais c'est quoi, cette arnaque ? Suivez-le, et c'est sûr, vous allez être protégé par ses services, jusqu'à la santé ou à Fleury-Mérogis. Il fallait pas me mentir. Posez cette arme, Bertrand, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je vais marcher jusqu'à vous et prendre ce fusil. Bonsoir. Suivez-moi de mon jeu. Vous êtes foutus si vous restez là. Allez, vite. Personne ne va nulle part. Hop. C'est cruel, je sais. C'est cruel d'interrompre cette scène d'ouverture en plein suspense, avant que vous ne sachiez si le vieux va tirer sur la jeune femme, si le type à terre va s'en sortir ou mourir de ses blessures, et surtout, qui est la personne qui vient d'entrer dans la cabane. Mais comme le dit toujours Thérèse, on ne commence jamais une histoire par la fin, c'est mal poli. Qui est Thérèse? Vous voyez bien qu'il faut revenir en arrière. La scène que vous venez d'entendre se passe en novembre 1995, sur une petite île du lac Peipus, entre l'Estonie et la Russie. Mais nous allons remonter quelques mois auparavant, quand a réellement débuté le périple du héros de cette histoire. Le héros est une héroïne. Elle s'appelle Claire Pralin, elle a 33 ans et elle est historienne. Quant à moi, je m'appelle Thomas et je vais tout vous raconter en détail. De l'intérieur, littéralement. Claire, c'est ma mère. Je suis né le 13 décembre 1995. J'étais donc aux premières loges pendant ces quelques mois. Je serai votre narrateur in utero. Remontons au mois de juin. Jacques Chirac vient d'être élu président de la République et moi, je divise déjà tranquillement mes cellules. Mais ma mère ne le sait pas encore. Ce jour-là, elle est invitée à l'émission matinale d'une grande chaîne de radio pour parler de ses recherches sur la division Charlemagne. Nous sommes le jeudi 16 juin 1995, il est 8h19. Dans notre dossier du jour, nous revenons sur la disparition de deux personnalités controversées passées relativement inaperçues dans la presse, celle de Maurice Cartier et Charles Barigaud, deux survivants de la division Charlemagne. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Claire Pralin. Bonjour. Claire Pralin, vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et vous terminez à l'Université Paris 1 une thèse sous la direction du professeur Delacour, c'est bien ça ? Tout à fait. Avant toute chose, pouvez-vous expliquer rapidement à nos auditeurs ce qu'était la division Charlemagne et qui étaient les hommes qu'on a souvent appelés les nazis français ? Oui, alors justement, il ne me semble pas forcément pertinent d'utiliser ce terme de nazis pour qualifier ces personnes. Il s'agit de milliers de Français qui ont choisi de s'engager dans l'armée allemande et de défendre le Troisième Reich à l'été 1944. Alors cette division, exclusivement française au sein de la Wehrmacht, était composée d'hommes venant de trois mouvements collaborationnistes différents, voire concurrents. Il y avait la milice de Darnan, le PPF de Doriot. Bon, je vous propose de nous épargner la longue explication qui a suivi et de vous laisser quelques instants tout à votre surprise. Oui, il y a bien eu plus de 6000 hommes et quelques femmes qui ont quitté notre pays pour défendre le régime d'Hitler face à l'avancée des alliés. Et une poignée d'entre eux était encore en vie dans les années 1990. Et c'est à cette poignée que ma mère consacrait alors son travail d'historienne. Plutôt que d'étudier l'aspect militaire, j'ai décidé de mener des entretiens auprès des rares survivants qui ont accepté de se confier à moi. Et si je comprends bien, deux d'entre eux viennent de disparaître. En effet. Vous avez d'autres sources pour vos recherches ? D'autres survivants sous la main ? Pas pour l'instant. Tous ceux que j'ai contactés refusent de me rencontrer. Maurice Cartier et Charles Barrigot étaient les seuls. J'imagine qu'avoir volontairement rejoint les troupes SS pendant la guerre n'est pas une source de fierté. C'est la honte qui doit les empêcher de se confier à vous, non ? Ah non, détrompez-vous. Parmi les survivants clairement identifiés, ceux qui refusent de me parler n'expriment aucun remords. Ils nous accusent, nous, les historiens actuels, d'imposer un biais résolument gauchiste à l'analyse de la Seconde Guerre mondiale. Et ils œuvrent depuis des années à diffuser une vision héroïque, vaguement romantique, de leur choix et de leur combat en 1944-45. Comme dans ce livre-là, « Mourir à Berlin ». Voilà, exactement. Ce livre et puis une poignée d'autres contribuent à peindre les volontaires de la division Charlemagne comme de jeunes idéalistes qui se sont sacrifiés pour une certaine idée de l'Europe. Et avec la chute du mur de Berlin et le retour de certaines formes de nationalisme, ces livres ont un vrai regain de succès. C'est pour ça qu'il est urgent de faire enfin des recherches sérieuses sur le sujet. Revenons à la mort de vos témoins, Claire Pralin. Car il y a une question que nos auditeurs doivent se poser. Vous ne trouvez pas étrange que ces deux hommes disparaissent à quelques mois d'intervalle alors que vous commenciez à peine vos recherches ? C'est troublant, bien sûr, mais je ne vois pas qui aurait eu intérêt à les faire disparaître après tant d'années. Vous savez, moi je suis une scientifique, hein, je ne crois pas à un complot contre la vérité. Disons que c'est un hasard malencontreux. Et à votre avis, quelle est la part que le hasard joue dans les découvertes scientifiques, en positif et en négatif d'ailleurs ? Mademoiselle Pralin, vous sentez... Je vous propose d'écouter des documents d'archives sélectionnés par notre rédaction. C'est un entretien avec un ancien SS de la division Charlemagne, extrait du documentaire « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls. Mademoiselle Pralin, vous allez bien ? J'étais avec deux camarades, revenait de Janowitz, à côté de Prague, une école de perfectionnement d'état-major anti-char. Et nous avions l'intention de poser une question extrêmement précise au maréchal Pétain, que nous savions être là, à savoir cet aboutissement où nous trouvions était logique et s'il fallait vraiment faire le saut et partir pour le front de l'Est. J'ai jamais été à l'aise avec les médias, mais à ce point... Au moins, ils se souviendront de ton nom, hein. Tous les universitaires peuvent pas en dire autant. Ce vomi en direct, c'était grandiose. Hein. Ouais, à ce propos, ça s'est terminé comment la soirée d'hier ? J'ai plus aucun souvenir après 1h du matin. Je me suis vraiment mise dans un sale état. T'étais en forme, mais on t'a vu faire pire. Hein. Sur l'échelle Claire Pralin de la soirée arrosée, je dirais 7 sur 10, pas plus. Bon, ça t'a pas réussi à la radio, mais y a pas mort d'âme. Et j'ai fait des trucs avec quelqu'un ? Oui. Merde. J'en ai aucun souvenir. Tu sais qui ? Bah, moi. Ah, ça va alors. Ça compte pas. Merci. C'était bien ? Je m'inquiète pour toi, Claire. Ça fait 6 ans que tu consacres ta vie à cette thèse, et tu peux plus rien faire maintenant que ces types sont morts. Mais t'en fais pas. J'ai des idées, je contrôle. Écoute, tu peux toujours te mentir à toi-même, mais ça marche pas avec moi. Il faut que tu prennes rendez-vous avec de la cour. Tu négocies un délai ou un congé, tu prends le temps de remettre tout à plat. Je peux t'aider si tu veux. Hein ? On pourrait partir un peu, s'aérer les idées... Et... J'ai un double appel, Marc. On reparle de tout ça un peu plus tard ? Ouais, ok. Je vais... Attends, sur quoi j'appuie ? Oh putain. Marc ? C'est toujours toi ? Non, ce n'est pas Marc. Mademoiselle Pralin, je m'appelle Thérèse de Mongeau. Et je sais des choses qui pourraient vous intéresser sur la division Charlemagne. Retenez bien cette voix, la voix de Thérèse de Mongeau, car elle est de ces voix auxquelles il est difficile de ne pas obéir. À peine le combiné raccroché, ma mère jeta quelques cahiers et son vieux dictaphone dans un sac et fila garde Austerlitz. Elle y prit le train pour Nevers, le premier d'une longue série, un vieux corail déglingué qu'elle tint responsable du retour de ses nausées. Le véritable coupable, bien sûr, elle ne le soupçonnait même pas. C'est tout de même étrange d'exister sans que personne ne le sache. D'être sans qu'aucune conscience n'en soit informée. Existe-t-on déjà vraiment si l'on existe pour personne ? Bref, elle roula encore 2 bonnes heures avant d'atteindre le cœur du Morvan, une forêt d'un bleu troublant et une ferme semblant sortir d'un conte de Perrault. C'est là qu'elle fit la connaissance du corps qui allait avec la voix de Thérèse, tout en courbe et en nœud. Là qu'elle rencontra celle qui allait changer le cours de nos vies. Je n'en croyais pas mes yeux sur les derniers kilomètres. Vous avez une de ces vues? On dirait le Canada. Vous connaissez le Canada? Non, mais j'imagine. Les pins, les lacs. Heureusement que c'est beau. On est sous la neige de novembre à mars. L'an passé, il gelait à la mi-mai. Au moins, on n'est pas dérangé par les touristes. Vous le voulez normal, votre café, ou Morvandio? Comme vous. Vous ajoutez quoi dans le café? Un truc du coin. C'est fort! Faut bien ça. L'été, il y a quelques Néerlandais avec leur caravane. Ils s'installent au bord des lacs, ils se baignent tout nus. Moi, ils me gênent pas. C'est leur langue qui me griffe un peu les oreilles. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Bien sûr. Si je me trompe pas, on était plutôt dans un fief de résistants ici. Les maquis du Nivernais. La ferme se tenait juste entre le maquis Camille et le maquis Bernard. J'en ai fait dormir un des petits qui cherchait à rejoindre le capitaine Aubin. Mais il faut pas croire que les bois cachaient que des résistants. Où il y a des fruits, il y a des mouches. Je vous reverse une tasse. Oui, merci, mais normal cette fois. Madame de Mongeau. Mademoiselle, j'ai jamais connu mon père. Mais impossible de me débarrasser de son fichu nom. Alors, je préfère Thérèse. Si ça vous gratte pas trop la langue. Thérèse, je suis pas venue de Paris pour parler des maquis ou de la neige. Vous m'avez dit que vous aviez quelque chose à me montrer. Quelque chose qui est censé m'intéresser. Suivez-moi. Vous avez tort de ne pas vous intéresser à la neige et aux forêts. C'est les paysages qui font l'histoire. Attention à votre tête. La poutre a été mise à une époque où tout le monde était nain. C'est drôle, ces symboles gravés dans le bois. Ça rappelle un petit peu les Alpes sud. Aïe! Vous êtes pas maligne pour une doctoresse. Doctorante. Les dessins sur les marches, ils étaient là avant la maison, d'à ce qui paraît. Mon grand-père aurait récupéré le bois des parties du château de Breuilloux qui n'avait pas brûlé. Breuilloux, comme le comte? Ça vous intéresse? Je croyais que vous n'étiez pas venu de Paris pour écouter mes racontars. Voilà, c'est la chambre. Votre chambre? La chambre. Maintenant, je n'ai rien que pour moi. Mais c'était aussi celle à ma mère et à mon frère, quand ils vivaient avec nous. C'est petit pour trois. Ça suffit pour dormir. La journée, on a tout l'espace du monde. Elle avait découpé le parquet sous son lit pour planquer la caisse. Alors, avec le lit et le gros tapis en poil, c'est pas étonnant que j'ai mis autant de temps pour tomber dessus. Elle savait y faire hein, quand elle voulait cacher quelque chose. Elle, la mère, Germaine de Mongeau. Venez vous asseoir, restez pas plantée là comme ça. Pendant les années juste après la guerre, il y avait un truc qui me chiffonnait. Je sentais qu'elle savait des choses sur la mort de mon frère. Son chagrin, ce n'est pas très net, comme une trompette de chasse avec une chaussette dedans. Vous voyez? Pas très bien, non. C'est sûr qu'elle a porté le deuil plus longtemps qu'il faut, même. Mais porter le deuil, c'est pas toujours être en deuil. Vous me suivez, là? Un peu mieux, oui. Elle l'aimait tellement, son petit garçon. Quand il rentrait par la forêt la nuit, elle l'attendait sur le pas de la porte avec la lampe à huile, sans respirer. Quand il était fatigué, elle lui donnait sa portion de soupe, ou la mienne d'ailleurs. Ah. Mais quand on lui a annoncé qu'il était mort là-bas, en Allemagne ou en Pologne, et que le corps ne serait jamais retrouvé, elle s'est juste signée. Puis elle s'est relingée tout en noir jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est tout. Parfois dans la grange ou dans les prés, elle chantait joyeusement. Hein? Joyeusement, je vous dis. Comme si elle venait d'apprendre une bonne nouvelle. J'ai compris, des années après sa mort à elle, quand j'ai dû jeter le vieux lit à cause de la mouche du bois et que je suis tombée sur ses lettres. Des lettres de votre frère? Bertrand. Le porc. Ma seule famille. Ça commence en novembre 44, en Alsace. Et ça continue en Allemagne, février 45, avril 45. Mais le mieux, c'est que ça ne s'arrête pas après la guerre. Novembre 45, juin 46, il y en a jusqu'en 48. C'est un nom d'un chien. Je savais que ça allait vous plaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas les enveloppes. Non, aucune. Ben non, pas d'enveloppe, pas de timbre, pas de cachet. Elles sont pas arrivées par le facteur, ces lettres. Elles ont pris le chemin des bois. Mais sur certaines, il a mis le lieu d'où il les a écrites. Ben regardez. Stettin. Tarnov. Sanok. Ah, et puis là, retour à Berlin. C'est étrange. Elle en dit quoi, la doctoresse ? C'est très intéressant, mais je vois pas encore le lien avec... Il en était, Bertrand, de la Charlemagne. Juste avant qu'Aubin ne libère complètement le coin, il a disparu avec ses petits copains de la milice de Château-Chinon. Fouillard, Gershon, et l'autre, un petit qui louchait, dont j'ai oublié le nom. Ils ont suivi leur chef. J'ai entendu dire à ma mère, « On va se battre jusqu'au bout, maman. On n'a pas dit notre dernier mot. » Si vous m'y autorisez, Thérèse, je vais rapporter ces documents à Paris. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est pas à Paris que vous allez. Vous allez sauter dans un train, me retrouver ce petit crevard que Dieu m'a donné pour frère et me le ramener par la peau des roubignoles. Je vous demande pardon ? Il est encore en vie, Bertrand. Quelque part là-bas, je le sens, je le sais. Alors dépêchez-vous de lui mettre la main dessus si vous voulez l'écrire, cette fichue thèse. T'es encore plus folle que ce que je pensais, Claire. Une vieille paysanne t'envoie sillonner l'Europe à la recherche de son frère disparu depuis 50 ans et tu le fais ? Mais c'est tout ce que j'ai, Marc. Et puis cette femme me trouble. Cette femme te quoi ? Ah là là, je t'entends très mal. Et ça fonctionne si bien que ça, ces téléphones portables, hein ? Tu rigoles ? Je t'appelle d'un train en marche, je te signale. C'est extraordinaire ! Dans 2 ans, tout le monde en aura un. Même toi, Marc. Moi ? Jamais. J'ai aucune envie d'être joignable en permanence. Quelle aliénation ! Dis-moi, elle t'a coûté combien, cette merveille de technologie ? Rien du tout. C'est Romain qui me l'a prêté, je le teste pour sa boîte. Romain ? Le blond, là ? Il est plutôt roux, non ? Bon, je disais que cette vieille femme m'intrigue. Je comprends pas vraiment pourquoi elle m'envoie sur les traces de son frère. Elle l'aime et elle veut le retrouver, c'est simple. Non, elle le déteste, justement. C'est ça qui me plaît. Oui, mais pourquoi elle te donne toutes ces informations maintenant ? Qu'est-ce qu'elle y gagne ? Je lui ai posé exactement la même question et elle m'a répondu « ça, c'est mon problème ». Je comprends vraiment rien. Elle t'a dit quoi ? Ça, c'est mon problème, elle m'a dit. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il en pense de la cour ? Je sais pas. Je le vois demain. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'il en pense ? Il va être content que je lui apporte de nouveaux éléments alors que tout mon projet de thèse venait de tomber à l'eau. De là à financer ton tour du monde en 80 jours... Ah bah ça lui coûtera toujours moins cher que le pot de retraite de ce facho de Le Gallo. Claire. Quand est-ce que tu cesseras d'avoir 15 ans ? Jamais. C'est pour ça qu'on est amis, non ? Amis ? Et ces lettres ? Ce trésor enfoui sous le parquet, c'est du solide ? Je commence à peine à faire le tri, mais l'écriture est authentique. Là, aucun doute possible. Et puis, il n'y a pas que des lettres. C'est très intéressant, Marc. De Mongeau a glissé des bouts de son journal de guerre, il a mis des cartes, toutes sortes de listes. Si tu veux, on regarde ça ensemble ce soir à Paris. C'est joli l'Alsace. Et on est très bien traité à Sennheim. L'entraînement militaire est aux petits oignons. Et l'éducation politique de très haut niveau. Si tu pouvais entendre Binder et Kopp, nos deux profs, expliquer la Weltanschauung dans un français parfait, tu comprendrais mieux ma décision. Les Allemands savent comment protéger l'Europe face aux 3 grands dangers qui la menacent, le communisme, le judaïsme et le christianisme. Il faut revenir à nos vraies racines. Lundi, ils ont changé nos uniformes noirs contre des gris, les mêmes que les SS allemands. Ça m'a fichu un coup au moral quand même. J'ai du mal quand je croise un miroir, et je ne suis pas le seul dans la division, mais on ne voit pas quel autre uniforme pourrait battre les rouges. Heureusement, il y a écrit France sur le haut de la manche. On est arrivé au milieu de la nuit. Mais quand on a vu Wildflecken en plein jour avant-hier, on n'en revenait pas. On dirait la Suisse. Un peu comme dans les livres de Heidi qu'on regardait avec Thérèse. Thérèse, c'est sa sœur. Ah oui, oui, c'est ça. Il y a des soldats et partout. Il y a des soldats partout. Tous les Français sont, tous les Français sont regroupés ici. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien quand même. Il paraît que Darnan va venir nous rendre visite. Darnan, tu te rends compte? Ils sont fascinés complètement, ça. Ouais. Et j'ai rencontré un garçon formidable, un Parisien qui vient d'avoir 18 ans comme moi. Il s'appelle Philippe. Il s'appelle Philippe. Alors, je suis un premier camarade. Philippe. Il n'y a pas son nom de famille, hein? Non, je le vois pas. Tiens, celle-là. Pas le même papier, ça. Je mets les lettres ici. Ça, c'est encore sa mère. Je ne veux pas me plaindre, mère, mais le froid est carrément insupportable. Cela fait des semaines qu'on aurait dû nous livrer nos équipements d'hiver. Et je ne te parle pas des fusils. Donc là, on doit être quoi? On est en décembre. Si on affronte les soviets avec ça, on ne tiendra pas 3 jours. Heureusement que Philippe, encore, est là. Il a toujours une bonne blague à raconter. On va bientôt partir vers la Poméranie. Je ne sais pas si c'est toujours pour s'entraîner ou pour autre chose. D'accord, donc là, ils sont dans le camp d'entraînement et ils ne savent pas en gros s'ils vont partir sur le front. Oui, j'espère que Philippe sera avec moi. Tiens, il y a tout le temps. Attends, regarde le journal pour essayer de voir où ils sont à ce moment-là. Tiens. Attends. Mais pas les lettres dans le pli du canapé, c'est pas vrai. Tu t'assois dessus. Non, mais j'ai mis les lettres d'un côté. Là, j'ai tout mis, j'ai mis les lettres d'un côté. Allez. Je les ai mises là. Attends, qu'est-ce que ça dit, ça? Mardi, corvée de charbon, entraînement au mortier, encore du ragoût. Bain chaud avec Philippe. Tiens, pose ça, s'il te plaît. Alors, jeudi, soleil, balade après les corvées, retournez voir l'hôteux. L'hôteux, c'est quoi, c'est un nom de poisson? Je crois que ça veut dire Charlotte. L'hôteux, ah, j'avais déjà entendu ça. C'est un prénom féminin, ouais. Ouais. L'hôte. Mal au dos. Ah, attends. Quoi? Alors, samedi, inspection du brigade Führer, quartier libre. Grosse soirée au schnapps. Bien rigolé avec Philippe. Il aurait quand même pu dater toutes ses lettres, cette andouille. C'est pas facile de les classer, hein? C'est parce que tu vas trop vite. Regarde, dans la plupart, il y a des indices qui permettent de dater. Enfin, au moins de savoir s'il est encore dans le camp de rassemblement de Sennheim en Alsace, ou bien s'il est déjà à Wildflecken. Wildflecken, c'est l'entraînement intensif. Mmh. Donc regarde, tu vois là, t'as le nom de l'instructeur. Ouais. Puis parfois, la mention de la couleur de l'uniforme, ou l'allusion à telle bataille sur le front de l'Est. Ben voilà, grâce à tout ça, tu peux savoir au moins où il est affecté, donc tu peux dater, à minima. C'est toi la spécialiste, hein? Ah, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait essayer de tracer son parcours sur une carte au fur et à mesure de ton classement. Géographe un jour, géographe toujours. Bah, tu me remercieras dans tes notes de bas de page. Hein. C'est ça. Il a vraiment suivi le chemin classique des membres issus de la milice. Regroupement alsacien, composition des régiments, rééducation politique... Mais il se mélangeait pas avec ceux du PPF et de la Légion contre le bolchevisme? Non, pas au début, non. Non, les Allemands les laissaient s'organiser entre eux. D'où les vieilles divisions. Et puis après, ils ont remplacé tous les commandants français par des SS pure souche. Et là, entraînement intensif à Wildflecken, au bord du Rhin, puis le front de l'Est, en Poméranie surtout. Oui, où Himmler a envoyé les Français se faire massacrer la gueule. On a l'impression que ça te fait marrer. Tu sais, j'ai pas vraiment de compassion pour ces ordures, hein. J'avoue. Toi non plus, il me semble. Non, mais je vis avec eux depuis 10 ans. Vendredi. Là, y a rien. Mais... Ah, tiens, encore ce nom. T'as remarqué que De Mongeau n'arrête pas de mentionner un certain Philippe. Ouais. Oui. Il apparaît sur la plupart des lettres à partir de décembre 44. J'étais en train de me dire la même chose. Et puis il revient sur d'autres documents, sur les listes, les pages de son agenda. Regarde, patrouille avec Philippe. Ouais. La visite d'une ferme avec P. Fort ouais. agréable. Surtout la fermière. Ce truc. Non mais t'as vu ça? Les prénoms féminins écrits au crayon sur les cartes militaires. Petra, Lotte, Eva, et là encore Lotte. Je crois que Philippe est jaloux de Lotte. Intéressant ça. Ouais. Attends, t'es déjà tombé sur un Philippe parmi les membres connus de la division Charlemagne? Parce que c'est peut-être une bonne piste, ce type. Il y a eu un Philippe Lambert, qui était chef de peloton de je ne sais plus quelle compagnie, mais il est mort en Poméranie. Son corps a été récupéré par sa famille. Ils ont été presque 7000, tu sais. Mais tu m'as dit qu'à Berlin, en mai 45, il en restait que 300. Ben, c'est vrai. 300 Français qui se battent dans les ruines de la ville pour défendre le bunker d'Hitler. Donc De Mongeau et son copain Philippe. Apparemment, oui. Tu l'as rangé où, la dernière lettre? Ah tiens. Merci. Mais c'est pas vraiment une lettre. Elle est pas adressée à sa mère, en tout cas. Il parle de l'odeur, le fleuve. Merci, je sais. Mais il a dû passer en Pologne. Attends, écoute ça. Parfois, le parfum de l'écorce me rappelle mon beuvron natal. Tout cela m'aide à tenir, mais moins que la pensée de te savoir à Paname, te promenant au bord de la Seine avec le journal sous le bras. Je savais que tu y arriverais, 28. Tu as toujours été le plus malin d'entre nous. 28 ? Philippe, c'est son matricule, 28. Il est noté quelque part sur une liste de matériel. SS-SRW, Hochtouf 28. De Mongeau avait le 41. Le copain a donc réussi à rentrer en France et ils sont restés en contact. Non, ce qui serait génial, ce serait que quelqu'un retrouve Philippe 28 en France pendant que je recherche Bertrand 41 dans les forêts d'Europe centrale. Quelqu'un ? Et on peut savoir qui ? Merci mon pote. L'histoire te le rendra au centuple. À suivre. La division d'Emmanuel Suarez. Premier épisode. Avec Claire Dumas, Bernadette Le Sachet, François de Brouwer, Mathurin Voltz, Bartholomé Boutelis, Alexis Rangard, Clément Morinière, Alizé Soudet, Laurent Horry. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Jefferson Lambeil. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Téléchargez l'application Radio France pour découvrir. Écoutez des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct.